la mienne, il faudrait qu'elle vieillisse un peu. Les couleurs du pinard. Les couleurs du Bordeaux. Je préfère une en bois, mais bon, avec celle-là. Thank you. batterie, toi. J'ai eu Z drummer, c'est tout. T'en as de la batterie, toi? Ouais, c'est toujours pareil, de batterie. Attends. Ah oui, ça souffle, hein? Souffle basse. Vas-y, envoie une batterie si t'en as. Solo, c'est plutôt pour toi, Titi. laisser tomber parce que ça n'a pas l'air de plus assurer. Autre chose, allez, on zappe. Thank you. Mais je suis pas le tempo, putain. Attends. Normalement, il faut que je suive ce tempo, là. 80. Used to see the government. Rasta Benji dans la place. Oh maman. Bon, je vais être honnête, j'avais muté tout le monde. Je m'étais mis juste le synthé parce que j'arrive. C'est pas bien, mais je suis honnête. Rasta Benji est dans la place. Maman, maman, maman, Danakil. A chaque fois que j'écoute, je parle de reggae, je parle de Danakil. Des fois, il vaut mieux muter, moi, parce que je suis chiant. C'est pas méchant. Allez. Celle-là, je la connais pas. Ça doit être du 130, ça, à peu près, non? Si, mais moi j'ai mis une batterie, mais tout à l'heure on m'a dit qu'il était pas bon la batterie. On s'en fout, hein. Allez, je mets une batterie sur 130, n'importe laquelle, et puis on essaie de faire ça. J'ai mis une batterie. Ouais, ça, elle va très bien, ça. Sauf que je vais la caler. Je la cale. C'est bon, elle est à peu près calée, ça va ça? C'est quoi plus aigu à la batterie? Alors là, si c'est pour moi que je demande s'il y a plus aigu, je sais pas où c'est aigu. Ah, alors attends, il y a un mixeur. Je sais pas comment on fait l'équaliseur, on m'a dit, mais... D'accord. tant d'effets sur ces simulateurs. Je repasse en mode en pile à l'or, on dirait. allez, bonne soirée. Thank you.